والصلاه والسلام على رسول الله. Ils le déposèrent de sa monture et ils ont dit: Ô Abu Amr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te confie la décision sur tes alliés. Puis Sa'd se tourna vers les notables de Aous et il a dit: Allez-vous vous engager à respecter la sentence que je rendrai au Aous? Ils ont dit: Oui, nous nous engageons. Allez-vous vous engager à respecter la sentence que je rendrai au Khazraj? Les Khazraj, ils ont dit oui. Et il se tourna vers les immigrants. La même chose, ils ont dit oui. Et puis, il jeta un regard en direction du prophète sallam. Il a dit: Et celui qui est à côté de moi, sera-t-il lié? Il n'a pas voulu dire que mon jugement s'appliquera sur le prophète sallam, où il dit que le prophète doit respecter ma sentence, etc. Par respect au prophète sallam, il a dit: Et celui qui est à côté de moi, sera-t-il lié? Et le prophète sallam a dit: Oui, certes, Mu'ad. Il a dit: Je juge donc que les hommes seront mis à mort, tous. Selon des versions 700, 800 ou 900. Les biens partagés et les femmes et les enfants pris en captivité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allahu Akbar, tu es jugé par le jugement d'Allah par-dessus les sept cieux. Ça, c'est la punition de la trahison. Les juifs ne sont pas au courant de la sentence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fit creuser sur une place qui s'appelait la place du marché plusieurs tranchées étroites qui vont servir de tombes. Ali, radiallahu anhu, Zubayr, radiallahu anhu, et d'autres, à côté avec des épées et à côté de ces tranchées. Et puis, on appela 10 hommes, on ramena les 10 hommes, exécution dite tête tranchée par terre, dans la tranche. Et Ka'b ibn Asad, son tour n'est pas encore arrivé. Et il y a du monde autour de lui, avec les autres juifs, ils ont dit: Oh Ka'b, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Il a dit: À chaque fois, vous ne raisonnez pas. Vous voyez bien qu'ils appellent 10 personnes, et quand ces 10 personnes ils partent, ils ne reviennent plus. C'est le massacre. Et au cours de ces exécutions, il y avait un homme, un juif, un vieillard aveugle qui s'appelle Zubayr ibn Bata. Et Ibn Ishaq, rahimahullah, il rapporte qu'il était un des notables de Bani Qurayda. Et qu'est-ce qu'il a fait lors des guerres tribales? Ça c'est avant l'islam. Lors des guerres tribales entre l'Aus et le Khazraj, la guerre de Bu'ath, il épargna la vie à Thabit ibn Qais ibn Shammas. Thabit ibn Qais ibn Shammas était jeune, était un enfant à l'époque. Il l'acheta et le libéra. Et puis, après l'islam, les deux hommes se rencontrèrent. Zubayr ibn Bata, on va l'emmener pour l'exécuter. Et c'était Thabit ibn Qais ibn Shammas qui va le ramener. Puis il lui dit: Me reconnais-tu? Il a dit: Me reconnais-tu? Il a dit: Comment un homme comme moi peut-il oublier quelqu'un comme toi? A répondu Zubayr. Et Thabit ibn Qais l'a dit: Je désire te rendre service pour le bien que tu m'as fait. Et l'homme, il a dit: L'homme noble rend l'appareil. C'est-à-dire, Inna al-Karim yajzi al-Karim. L'homme noble, il rend par la noblesse, il rend l'appareil. Alors Thabit, il a trouvé le professeur sallam, il a dit: Envoyé d'Allah, je suis redevable à Zubayr d'un bienfait qu'il m'a dispensé. Je désire m'acquitter envers lui. Accorde-moi sa vie. Le professeur sallam accepta. Il a dit: Il est à toi. Puis Thabit a porté la Thabit ibn Qais ibn Shammas, il a porté la nouvelle à Zubayr. Et puis Zubayr ibn Bata, il a dit: Un vieillard comme moi, privé de sa famille et de ses enfants, qu'a-t-il besoin de sa vie? Qu'a-t-il besoin de l'aide? Et le Thabit, il alla voir le prophète sallam, il a dit: Envoyé d'Allah, que mon père et ma mère te servent de rançon, accorde-moi sa femme et ses enfants. Il a dit: C'est entendu, ils sont à toi. Et puis il a demandé ses biens. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, on lui rend sa femme, ses enfants et ses biens. On lui rendit tout. Et puis là, Zubair ibn Bata, il a dit, qu'est-il devenu Ka'b ibn Asad? Il a dit, il a été tué. Il est tué. Huyay ibn Akhtab, on sait que Huyay ibn Akhtab, c'est celui qui est allé voir Ka'b ibn Asad pour le rallier avec Quraysh et Ghatafan. Et il a juré, il a dit que si Quraysh et Ghatafan, ils rebroussent chemin et te laissent tomber, moi je reste avec toi dans ta forteresse. Et là, il a tenu sa promesse et il est resté. Zubair, il a dit, qu'est devenu Huyay ibn Akhtab? Il a dit, il est tué. Qu'est devenu tel? Il est tué. Qu'est devenu tel? Il est tué. Puis il a dit, par Dieu Thabit et par le droit que j'ai sur toi, je te demande de m'envoyer rejoindre les miens. Car maintenant qu'ils sont partis, il n'y a plus rien de bon dans la vie. Au début, Thabit, il refusa, mais l'homme, le vieillard, il insista. Il a dit, je veux rejoindre mes bien-aimés. Et en apprenant le vif désir de les rejoindre, Abu Bakr a dit, il les retrouvera par Allah dans le feu de la Géhenne éternellement. Yalqahum fil nar. Durant cette histoire, un jeune juif, et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, tous les hommes, c'est-à-dire tous les mâles pubères, un jeune juif, il vient d'être pubère durant ce siège-là, le pauvre. Il s'appelle Rifa'a ibn Samou'el. Rifa'a ibn Samou'el. Il vient d'être pubère. Et dès qu'il a su qu'on va l'emmener pour lui couper le cou, la tête, il s'accrocha à une femme des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelle Salma bint Qais Umm al-Mundhir. Il s'accrocha à elle. Il a dit, sauve-moi, sauve-moi. Wallahi, je vais faire la prière. Wallahi, je vais faire salat. Wallahi, je mangerai la viande des chameaux. Parce qu'il y a certains juifs qui s'interdisent de manger la viande des chameaux. Et puis, cette femme, elle a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, envoyé d'Allah, que nous te servirons de rançon, mes parents et moi. Accorde-moi, Rifa'a. Il m'a promis qu'il priera et il m'a promis qu'il ne s'interdira pas la viande du chameau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta. Et cet homme, il a prié, il a embrassé l'islam et est devenu un des grands savants musulmans. Et quand il fait des cours, des leçons, quand il veut jurer, il dit, par celui qui m'a sauvé la vie le jour de Qurayda. Il dit par Allah qui m'a sauvé le jour de Qurayda. Quant aux femmes, aucune d'elles ne fut touchée, sauf une. Une femme. Aïcha, il raconte que cette femme a été exécutée. Il a dit, cette femme, elle me parlait et riait. Elle basculait du dos et du ventre par le rire. Alors que l'envoyé d'Allah exécutait ses hommes. Tout à coup, on l'appela en criant, oh, où est-elle, fille de telle? Et puis Aïcha lui a dit, malheur à toi, qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, la femme l'a dit, on va me tuer. Et pourquoi? Aïcha lui dit, pourquoi? Il a dit, parce que j'ai fait ce que... Elle a tué un des compagnons. Il a jeté une meule sur un des compagnons qui s'appelle Khalad ibn Suwayd, radiyallahu anhu. Et Aïcha, il dit, par Allah, je n'oublierai pas sa bonne humeur et son hilarité alors qu'elle savait qu'elle allait mourir. Donc tout ce hadith, il est rapporté par l'imam Ahmad, volume 6, page 277, par Abu Dawud al-Bayhaqi ibn Hisham, al-Hakim, al-Tabari fi al-Tarikh. Les femmes et les enfants furent partagés, de même que les biens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu comme esclave Rihana bint Amr. Il lui exposa l'islam, il l'appela à l'islam et il refusa. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je te libérerai, je t'épouserai, si tu rentres en islam. Et elle refusa quand même. Et un jour, alors qu'il était chez lui, où il était avec des compagnons, il a entendu les bruits de pas, et puis il a dit, c'est les pas de telle personne, il est venu me donner la bonne nouvelle que Rayhana a embrassé l'islam. Et il a embrassé l'islam, radiyallahu anha. Selon des versions, il a dit, Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la libéra, selon d'autres, qu'elle est restée esclave du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Saad, radiallahu anhu, après avoir donné cette sentence, il se reconduit à la tente de Rufayda dressée à la mosquée. Et la veine de Saad, radiallahu anhu, il éclata et il est mort. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé son doua. Et Aïcha l'a dit, j'ai entendu Abu Bakr et Omar pleurer Saad. Et on l'emmena chez lui dans la maison de Banil Ashhal. C'est ce qu'on appelle Banil Ashhal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il a entendu, dès qu'il eut vent que Saad ibn Mu'ad est mort, il accéléra le pas pour arriver à la maison de Saad ibn Mu'ad. Et les compagnons ont marché tellement que nos sandales commençaient à se déchirer. Et ils ont dit au envoyé d'Allah, pourquoi tu accélères les pas? Il a dit, moi je veux l'atteindre avant que les anges ne l'atteignent et ne le lavent comme ils l'ont fait à Handala radiallahu anhu lors de la bataille de Uhud. Le hadith il est rapporté par Ibn Sa'd et Abd al-Razak et Tirmidhi et al-Hakim. C'est un hadith authentique. Et avant de l'enterrer, les compagnons l'ont mis dans le, je ne sais pas comment on appelle ça, où on met le mort. La civière, si vous voulez, quand ils l'ont soulevé comme ça, ils ont dit au envoyé d'Allah, on ressent rien du tout, on ne ressent pas le poids. Il a dit que c'est, le professeur Salim leur a dit que c'est les anges l'aident, vous aident, les anges le portent avec vous. Et les anges, c'est-à-dire, ont porté Saad ibn Mu'ad avec les compagnons. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que le trône du tout miséricordieux s'est ébranlé par suite de la mort de Saad ibn Mu'ad. Hadith rapporté par Ahmed et Al-Bayhaqi. Et l'histoire de Bani Qurayda, il s'est terminée ainsi. Maintenant, laissons-nous un peu emporter avec ces versets du Coran, commentaires d'Allah subhanahu wa ta'ala, la vision d'Allah sur cette bataille. Allah, il nous raconte ce qui se passe. A'udhu billahi sami' al-alim, min ash-shaytan al-rajim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Oh vous qui croyez, ça c'est dans sourate l'Ahzab. Dans sourate l'Ahzab. Oh vous qui croyez, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand des troupes vous sont venues et que nous avons envoyé contre elle un vent et des troupes que vous n'avez pas vues, Allah demeure clairvoyant sur ce que vous faites. Le vent glacial, l'ouragan. Ali ibn Abbas, radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith nusirtu bis-saba wa uhlikat 'adun bid-dabur. Allah m'a fait triompher par le vent de l'Est, et 'Ad a été anéanti par le vent de l'Ouest. Hadith de Bukhari, numéro 1035. C'est-à-dire que le vent, c'est un soldat d'Allah subhanahu wa ta'ala. La suite des versets. Il ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absar wa balaghatil qulub al hanajir wa tadhunnuna billahi adh-dhununa. Quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas et que fléchirent les regards et que les cœurs montèrent dans les gorges et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions. Ils vous vinrent d'en haut. Où est-ce qu'il y a la carte? Ramène la carte qui est là. Ils vous vinrent d'en haut et d'en bas. Ça veut dire d'en haut, ça veut dire du nord. Et d'en bas, ça veut dire du sud-est. Ouvre. Et d'en bas, ça veut dire du sud-est. D'en haut, là où il y a la tranchée. Et d'en bas, là où il y a Bani Qurayda. Ça c'est Médine. Ils vous vinrent d'en haut, ici. Et d'en bas, ça veut dire du sud-est. Les Bani Qurayda sont là. Ils ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghat al-absar wa balaghat al-qulub al-hanajir wa tadhunnuna billahi adh-dhununa. Quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas et que fléchirent le regard et que les cœurs montèrent dans les gorges et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions. Hunalika ibtuliya al-mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida. Les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. C'est une vraie épreuve. Ouverture du sud et 10 000 hommes, la faim, le froid, etc. وإذ يقول المنافقون لسويت دي فيرسي وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. Et quand les hypocrites et ceux qui ont la maladie au cœur disaient Allah et son messager, nous nous en promis qu'illusion. Surtout, on a parlé de ça la semaine dernière quand le professeur Salam il a pris une pioche et il a frappé de toutes ses forces une roche qui fait obstacle et qu'il a crié, il a dit Allah m'a ouvert le trésor des Perses, Allah m'a ouvert le deuxième coup, Allah m'a ouvert le trésor de Rome, Allah m'a ouvert le trésor du Yémen. Et là les hypocrites ils ont dit qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter. L'un de nous n'ose même pas faire ses besoins en sécurité et lui il nous parle de Rome, de Kisra, des Perses. Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurur. Allah et son messager nous ont promis que tromperie. 9 ans, 10 ans plus tard, Al-Qadisiyya wa al-Yarmouk. Les palais de Kisra tombent entre les mains des compagnons dans la khilafa de Omar ibn Khattab. Dans sa même khilafa de Omar ibn Khattab, Al-Qadisiyya wa al-Yarmouk, les deux ont eu lieu 14, l'année 14 de l'Hégire et 15, l'année 15 de l'Hégire. Ils ont conquis les Perses et les Romains. Allah subhanahu wa ta'ala, la promesse, la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été réalisée. Wa idh qalat ta'ifatun, la suite des versets, wa idh qalat ta'ifatun minhum, ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u, wa yasta'zinu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana 'awra wa ma hiya bi'awra in yuriduna illa firara. De même, un groupe d'entre eux dit, gens de Yathrib, Yathrib ça veut dire Médine. Jean de Yathrib, ne demeurez pas ici, retournez chez vous. Ça, c'est les hypocrites qui sont en train de dire ça. Retournez chez vous. Un groupe d'entre eux demande au prophète la permission en disant nos demeures sont sans protection, alors qu'ils ne l'étaient pas. Ils ne voulaient que s'enfuir. Ils ne voulaient pas aider les compagnons. Ils veulent juste s'esquiver en cachette et aller chez eux sans participer, sans aider les compagnons pour creuser cette tranchée. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. Et si une percée avait été faite sur eux par les flancs de la ville et qu'ensuite on leur avait sollicité de renier leur foi, ils se seraient exécutés, certes, et n'auraient guère tardé. ولو دخلت عليهم من أقطارها. Et si une percée avait été faite sur eux par les flancs de la ville. Ça veut dire du nord, par les flancs de la ville. من أقطارها, ça veut dire du nord et du sud-est. Et qu'ensuite on leur avait demandé de renier leur foi. Ça c'est les hypocrites. Ils sont juste à la limite de la mécréance. Du moment qu'ils rentrent, les coupards, ils rentrent, ça y est, il est prêt à renier sa foi. Il dit moi je ne suis pas musulman, etc. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها. Et qu'ensuite on leur avait sollicité la fitna, ça veut dire de renier leur foi, ils se seraient exécutés. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. Tandis qu'auparavant, ils avaient pris l'engagement envers Allah qu'il ne tournerait pas le dos et il sera demandé compte de tout engagement vis-à-vis d'Allah. Tout engagement vis-à-vis d'Allah, Allah va leur demander compte. Ils ont promis qu'ils sont engagés pour aider, pour ne pas tourner le dos. قل لن ينفعكم الفرار. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. Dis, à rien ne vous servira de fuir que vous fuyez mort sans combat ou mort dans le combat. De toute façon, vous n'aurez joui de la vie que peu de temps. dans le combat ou sans combat ou dans le combat, tu vas vivre combien de temps? 60, 70 ans, 80, 100 ans, 200, allez, on va te mettre dans le livre des records, 200. Tu n'as vécu rien. Qalu kam labithtum? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Le jour du jugement de l'Allah, il leur dira combien vous avez vécu. Combien? Ben, une journée, une partie de journée. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Dit, qui pourrait vous soustraire, qui pourrait vous soustraire de la teinte d'Allah, qu'il vous veuille du mal ou miséricorde, il ne trouve en dehors d'Allah ni allié ni secoureur. Dit, qui pourrait vous soustraire de la teinte d'Allah, qu'il vous veuille du mal ou miséricorde, il ne trouve en dehors d'Allah ni protecteur ni secoureur. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا. Certes, Allah connaît parmi vous les dresseurs d'obstacles et ceux qui disaient à leurs frères, venez à nous, tandis qu'ils ne déploient que peu d'ardeur au combat. Ça, il parle toujours des hypocrites. Ashihatan alaykum, fa'idha ja'ahumul khawf, fa'idha ja'al khawf, ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yughsha alayhi min al-maut. Ashihatan alaykum, fa'idha ja'al khawf, ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yughsha alayhi min al-maut. Avare à votre égard. Puis quand vient le moment de la peur, tu les vois te regarder, roulant des yeux comme livrés à l'habitude de la mort. Ado, toujours mon affaire. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةٍ عَلَى الْخَيْرِ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. Une fois la peur passée, ils vous la serrent avec des langues affilées, alors qu'ils s'en chichent à faire le bien. Ceux-là n'ont jamais cru. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux-là n'ont jamais cru. Allah donc rend vaines leurs actions. C'est pour lui bien facile, pour Allah bien facile. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. وإن يأتي الأحزاب يودون لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. Ils pensaient que les coalisés ne sont pas partis. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. Ils avaient peur, ils sont rentrés chez eux, les hypocrites, et ils se sont cachés, et après il était au courant de rien. Il ne savait pas que les Ahzab, les coalisés, Ghatafan, Ben Umurra, Fazara, Quraysh, ils sont partis. Ils étaient encore cachés avec leurs femmes et leurs enfants. Ils pensaient que les coalisés ne sont pas partis. Or, si les coalisés attaquaient, Allah regarde, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle ce qu'il y a dans leur cœur et ce qu'ils voulaient faire. Or, si les coalisés attaquaient, eux se voudraient au désert parmi les bédouins et se contenteraient de demander de vos nouvelles. S'ils demeuraient parmi vous, ils ne combattraient que très peu. Ils préfèrent errer avec les bédouins et demander aux gens qu'est-il devenu tel. Et ils ne combattraient que très peu. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre, un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. ولما رأى المؤمنون maintenant Allah سبحانه وتعالى parle des مؤمنين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent, voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis. Et Allah et son messager disaient la vérité, et cela ne fit que croître leur iman et leur soumission, leur foi, iman et leur soumission. Min al-mu'minin rijal, parmi les croyants des hommes, parmi les vrais hommes, من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore. Et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Afin qu'Allah récompense les véridiques pour leur sincérité et châtie s'il veut les hypocrites ou accepte leur repentir, car Allah est pardonneur et miséricordieux. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. Et Allah a renvoyé avec leur rage les infidèles sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien. Ils n'ont rien obtenu. 10 000 hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait devant une petite minorité de musulmans? Qu'est-ce qu'ils ont fait? وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ. Et Allah a épargné aux croyants le combat. Pas beaucoup de tués. Parmi les shuhada, il y avait qui? Sa'd ibn Mu'ad. Il y avait Anas ibn Mu'ad, ibn Aus, il y a Sa'laba ibn Asma. وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Allah est fort et puissant. وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ. Et il a fait descendre de leur forteresse ceux des gens du livre qui les avaient soutenus, qui? Bani Qurayda. Et il a jeté l'effroi dans leur cœur. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا. Un groupe d'entre eux vous tuiez et un groupe vous faisiez prisonnier. Tuiez 700, 800 jusqu'à 900 selon les versions. Prisonniers, les femmes et les enfants. Wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira. Et il vous a fait hériter leur terre, leur demeure, leur bien. Et aussi une terre que vous n'aviez point foulée. Et Allah est omnipotent. Et Allah est omnipotent. Donc on ne peut pas comprendre ces versets-là que si on comprend la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour comprendre les versets, quand vous lisez maintenant surat al-Ahzab, vous avez devant vous ce qui s'est passé durant l'Ahzab, et ça facilitera la lecture de ces versets, et même si vous voulez apprendre par cœur ces versets, ce sera facile. Parce que la sirah, elle explique la sirah, la vie du prophète, la sirah du prophète, elle explique le Coran. Donc récapitulons, la bataille de Badr, elle parle de quoi? La bataille de Badr, c'était quelle surat? C'était surat? Surat l'Anfal. Et il y aura comme une nuasa amanat amine. Donc surat l'Anfal, surat le butin. Et la bataille de Uhud, c'est Al-Imran, à partir des versets 120 de Al-Imran. Et même ce qui s'est passé à Bani Qaynuqa, c'était 2-3 versets de Al-Imran, les débuts. Ça doit être les versets 10-11. Et Bani Nadir, l'expulsion des juifs de Bani Nadir, c'était dans quelle surat? Dans surat l'Hashr. Dans Surat al-Hashr. Quoi encore? À part la bataille de Bani Nadir. Bani al-Mustaliq. On a parlé. l'affaire de la diffamation, quand ils ont accusé Aïcha d'adultère, se trouve dans Surat Nour. On va trouver ça dans Surat Nour. Et de même, ce qui s'est passé quand les hypocrites, quand Abdullah ibn Ubay ibn Salul l'a dit que le plus puissant, le plus élevé va chasser le plus faible et le plus bas, c'était Surat al-Munafiqun. D'accord? Surat al-Munafiqun. Et Ghazwat al-Ahzab, Surat al-Ahzab. La Surat décoalisée. Inch'Allah, si on est vivant la semaine prochaine, on va parler, bien que maintenant, Zainab bint Jahsh, le prophète Hassan s'est marié avec Zainab bint Jahsh, bien que ça soit trop tard, on va en parler parce que c'est très important, pour montrer les raisons pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec plusieurs femmes. D'accord? Avec plusieurs femmes pour faire fermer la bouche des calomniateurs. D'accord? Donc on va parler de ça, parce que c'est les versets qui parlent de ce mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Zainab bint Jahsh. On va le trouver dans Surat al-Ahzab également. Et la semaine prochaine également, inchallah, on va parler de la vague de punition, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va punir toutes les tribus qui ont comploté avec Quraysh pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bon, cette bataille, on peut tirer beaucoup de leçons. C'est qu'il n'y a qu'une minorité qui a tenu le coup. C'est-à-dire, quand il y a un test, tout ce qui est mauvais, tous ceux qui ont la foi basse, ils s'écartent. Il ne reste que ceux qui ont une vraie foi dans leur cœur. Il n'y a aussi qu'un homme, qu'un croyant, il vaut 1000 hommes, il vaut une communauté à lui seul. Un homme, Na'im ibn Mas'ud, quand il a embrassé l'islam, regardez ce qu'il a fait. Regarde la foi, subhanallah. Maintenant, subhanallah, le musulman, il est dépouillé de son dogme, il est dépouillé de sa culture, il est dépouillé de sa religion. C'est quoi? Musulman, mais il suit la mode. Musulman, mais il suit n'importe quelle pensée, n'importe quelle innovation. Il a suit n'importe quel égareur, il le suit. Le musulman doit avoir il doit suivre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il demande toujours à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir dans cette voie. Parce qu'on a essayé, ils essaient de tous les moyens de nous marginaliser, de nous éloigner de notre prophète, de nous éloigner de notre salaf salih. On a voulu nous montrer toutes sortes de héros, sauf Zubayr ibn al-Awwam, sauf Hamza, sauf Khalid ibn al-Walid. C'est cela nos héros. C'est cela qu'on doit suivre et qu'on doit prendre comme modèle. D'accord? Et pas d'autres personnes. Bon, subhanakallah, bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.